انتهينا من الأصل الأول من هذا الكتاب الذي هو أصول الستة. ومن يذكر لنا ما كان الأصل الأول؟ Qui peut nous rappeler c'était quel est le premier fondement qu'on a vu jusque-là dans ce livre, les six fondements de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Al-Ikhlas. Naam. إخلاص العمل لله جل وعلا. Le fait de, donc le premier fondement c'est était consacré sur le fait de vouer un culte sincère et exclusif à Allah Azza wa Jal. طيب كلمة لا إله إلا الله. La parole que tout tout un chacun parmi les musulmans évoque jour après jour. La ilaha illallah. Qui peut nous donner sa définition en français? Une définition correcte. La ilaha illallah, c'est-à-dire, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. C'est correct? Non. Non. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Oustad. Ah, Mohamed. Abu Ali. Nul digne d'être adoré si ce n'est Allah. Ahsan. Quelle est la différence entre cette définition et celle qu'on a dit juste avant? Il n'y a de divinité autre qu'Allah. Et là, dans la définition de notre frère Abu Ali, il dit, il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a plusieurs divinités, mais celle qui mérite l'adoration, c'est Allah. Naam. C'est le fait qu'on ne réfute pas le fait qu'il y ait plusieurs divinités, qu'il existe bel et bien plusieurs divinités ou des êtres qui sont adorés. Lakin, on évoque que toutes ces divinités, en dehors d'Allah, elles ne méritent pas d'être adorées. Et que ce sont toutes des fausses divinités. طيب على كل حال ندخل في الأصل الثاني. قال عليه رحمة الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. Donc le deuxième fondement, il concerne l'union de cette communauté, l'union des musulmans. C'est-à-dire une union qui est basée sur la croyance. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants d'être unis en foi. Non. D'être unis dans la foi. Wa naha 'ani at-tafarruqi fi ad-din aw 'ani at-tafarruqi fihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit, formellement interdit, la division. La division des croyants au sujet de la religion. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ce fondement, ce principe dans le Coran, que ce soit dans le Coran ou selon sur la langue de son prophète, c'est-à-dire dans la Sunna, il a expliqué ce fondement d'une manière claire et limpide que tout un chacun parmi les communs de la masse peut comprendre. Non. Et donc, il nous a aussi interdit d'être comme les communautés d'avant, qui, eux, se sont divisés, et de par cette division, ont été détruites. Non. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. L'imam, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué l'obligation que les musulmans doivent respecter, c'est-à-dire le fait d'être regroupés et de ne pas se diviser dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ce fondement d'une manière claire et explicite dans le Coran et dans la Sunna. Cependant, après, c'est-à-dire durant l'époque de cet imam, l'al-mizan inqalabat. Les gens, ils ont inversé la compréhension de ce fondement. C'est-à-dire, au lieu de penser que la division et la scission est une erreur et un égarement, eux, ils voyaient que les gens de son époque, ils ont vu que le fait de se séparer, de se diviser, c'est ça l'essence même de la science et du fiqh. Na'am. Donc ça, c'est les paroles de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Na'am. وَصَارَ الْاِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقِ أَوْ مَجْنُونَ. Et dans un sens contraire, celui qui dit ou qui appelle à l'union des musulmans, à l'époque de Cheikh Mohammed, celui qui appelait à l'union des musulmans, on disait que c'était un zindiq ou un majnoun. Ma ma'na zindiq, ya akhana Aba Shureyh. Zindiq bi ma'na fajr. Zindiq bi ma'na fajr. Le zindiq, akhuna Fahmi dit que c'est le pervers. Le zindiq, c'est celui que... Din, il a comme Tarak. Tazandak, il n'a pas de hachma dans aucune chose du din. Hey. On va voir aussi le sens de munafiq. Le zindir, quand vous allez voir, dans la plupart du temps, quand les ulémas ils emploient le mot zindir, c'est-à-dire, ils veulent dire l'hypocrite. D'une grande hypocrisie. Tamam. Lakin, ba'dhum. Il sépare le munafiq du zindiq en disant que le munafiq huwa alladhi yukhfi kufra wa yadhhar islam. Donc le munafiq, c'est celui qui montre son islam et qui cache sa mécréance, tandis que le zindiq, lui, c'est celui qui montre son kufr tout en disant qu'il est musulman. Mathalan ar-rawafid, les Rawafid, une des branches parmi les branches des Shia, qui ont énormément d'égarements dans la croyance, eux on dit quoi d'eux? C'est des zindiq ou la zanadiqa? Zanadiqa. Pourquoi? Parce que ils proclament ouvertement leur mécréance. Le fait d'insulter, par exemple, d'insulter Aïcha en disant que c'est qu'elle a fait l'adultère. Ah ben, juste le fait de dire ça, ça fait sortir la personne de l'islam. Wa kufrun akbar. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran. Donc celui qui dit après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait innocenté dans le Coran, qu'elle est tombée dans une perversion, celui-là, il a démenti les paroles d'Allah. Et celui qui dément les paroles d'Allah, فإنه كافر. Donc eux, ils proclament ces paroles-là ouvertement. Donc هؤلاء تزندقوا. طيب. Mais eux, la différence, c'est que eux, quand ils disent ces paroles-là, ils ne les voyaient pas kufran. Eh, non. Ça, c'est... Moi, j'ai dit ma mère. Parce que eux, quand ils disent, par exemple, ils insultent Aïcha, eux, ils prennent ça iman. Ils disent, c'est l'iman de dire ces choses-là. C'est-à-dire que eux, ils introduisent ces choses-là dans l'islam. صحيح لكن ليس كل من أدخل شيئا في الإسلام نعتبر به عرفت فهو عندنا يعني زندق إذا قال هذا الكلام فهو زندق يعني نفاقا أكبر نعم على كل حال صحيح أصل للأسف الشديد تجدون المسلمين في واد وهذا الأصل في واد آخر. Donc ça c'est un fondement qui est très très important de respecter. Et malheureusement à notre époque, on voit qu'une grande partie des musulmans ils sont d'un côté et ce fondement là, il se trouve d'un autre côté, totalement à l'opposé. نعم. مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمر به في غير ما حديث وفي غير ما آية نعم فمنهاج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة والحذر من التفرق في الدين donc ça fait partie des grandes bases et des piliers de la voie des adeptes de la sunna que le fait d'être unis dans la religion et de ne pas se diviser. نعم. والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit et accrochez-vous au câble d'Allah azza wa jal tous ensemble et ne vous divisez pas. نعم. وهذا دليل عظيم. Et ça c'est un dalil que chacun se doit de mémoriser pour affirmer ce fondement. Si on te demande c'est quoi la base ou c'est quoi le dalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit et il a ordonné, il a interdit la division et il a ordonné l'union, c'est ce verset et d'autres. نعم. كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Et aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il dit, selon une traduction approximative, « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que la preuve leur soit venue. » D'ailleurs, « Unduru ila basirati al-ulama » Les ulama, hein, ils ont une clairvoyance énorme. Ils voient les choses et les fitanes avant même que les awam ou les commandes de la masse puissent apercevoir un grain de trouble. ولهذا بعض يعني يقولون أنهم العوام لا يرون الفتنة إلا وإذا الفأس فوق رؤوسهم. نعم. Donc c'est pourquoi ils disent que les awam, le savant, il voit le trouble ou toute chose qui peut amener ou qui a un effet néfaste, il le voit de loin. Tandis que les gens de la masse, eux, ils voient le problème que lorsque la hache est au-dessus de leur tête. C'est une expression pour dire qu'ils le voient bien tard. Pourquoi on dit ça? Par exemple, lorsque certains ulama, ils ont interdit de supporter une équipe de foot. Pourquoi ils ont interdit cela? Pourquoi? Parce que ça va amener, au fur et à mesure, ça va amener une scission entre les musulmans. Ça va amener une scission entre les musulmans. ولعلكم يعني سمعتم بما حصل بين فرقتين من فرق كرة القدم أظن الجزائر ومصر Hein? Lorsque l'Algérie, ils ont joué contre l'Égypte, je ne sais plus c'est qui a perdu, qui a gagné. Al-Mohim, Hassala Bissabab, à cause d'un match de foot, il y a eu entre deux pays des coupures diplomatiques. Des coupures diplomatiques à cause d'un match de foot. Andro ila yani basirat al-ulama. Enfin, c'est pourquoi yani ce genre de tadris, ce genre de cours, c'est pas des cours que yani on étudie et on khalas. On met derrière le dos, ni on pratique. Idha tara wahid yakhtalif ma'a thani, alayka an taslah baynahuma. Si tu vois un frère qui se dispute ou qui diverge avec un autre, tu te dois de les rassembler. Pourquoi? Par rapport à ce as. Par rapport à ce as. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam madha qala? Qala ma nahaytukum an. Ma nahaytukum an fajtanibu. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka man kana qablakum bi kathrati mas'alatihim wa bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Na'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Ce que je vous ai ordonné, faites-le en fonction de votre capacité. Et sachez que ceux qui étaient avant vous n'ont été détruits que pourquoi ? Parce qu'ils ont multiplié les questions et les divergences avec leur prophète. Na'am. Wa kadhalika yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man kharaja min at-ta'ah. Celui qui a délaissé l'obéissance. Quand on dit l'obéissance, là, c'est l'obéissance de qui? Man kharaja min at-ta'a. Al-Hakim. Celui qui a désobéi au gouverneur. Au gouverneur al-Muslim. Le gouverneur muslim. Celui qui a désobéi au gouverneur muslim. Wa faraqa al-jama'a. Et il a quitter le jama'a, quitter le groupe, l'union. Famata mata maitatan jahiliya. Faida mata mata maitatan jahiliya. S'il vient à mourir dans cette situation-là, dans cet état-là, alors qu'il a désobéi au gouverneur et il a délaissé la jama'a des musulmans, alors il viendra à mourir comme la mort d'un ignorant. Na'am. وغير ذلك من الأدلة. Et il y en a encore d'autres, des preuves qui montrent et qui interdisent fortement le fait de se diviser. نعم. طيب. قلنا ولهذا قال الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي يا صاحبنا أبا عبد الله. الإمام الطحاوي اسمه وكنيته واسم أبيه. هذا يا أبو بكر الدولة. أبو بكر؟ لا. من يعرف؟ كي سي كي كوني لو برينوم دو الإمام الطحاوي و ساكونيا؟ ها فهمي؟ لو برينوم جون دو لا ابن أبي العز هذا الذي شرح كتابه. طيب كنيته أبو جعفر. أبو جعفر تمام؟ أبو جعفر ها جعفر تحفظ ها الإمام الطحاوي كنيته أبو جعفر. طيب واسمه أحمد واسمه أبي محمد. نعم. donc الإمام الطحاوي dit dans son livre célèbre qu'on appelle العقيدة الطحاوية il dit ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. donc cet imam il dit et on voit que l'union, c'est-à-dire l'union dans la religion, c'est un haq, c'est une vérité et c'est la voie juste. Tandis que la scission et la division, c'est un égarement et un châtiment. N'aim. Wala'allakum sami'tum حديث أو الآثار عن عبد الله بن مسعود أنه قال يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. عبد الله بن مسعود دي أو جان accrochez-vous à l'obéissance ainsi que à la jama'a, au groupe. Hein? Car certes, ceci, c'est-à-dire le groupe, fait partie ou c'est l'ordre, c'est le câble d'Allah qu'Allah a ordonné. Na'am. وَمَا تُحِبُّونَ وَمَا تَقْرَوْنَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ. Et ce que vous aimez dans la jama'a, ou ce que vous détestez dans la jama'a, c'est meilleur que ce que vous aimez dans la solitude et dans la division. Et c'est pourquoi, ya ikhwani, anna l'insan yihris kull al-hirs an yakun ma'a ikhwana an yakun yani kayadin wahidin ou wahida. Donc la c'est pourquoi il faut être vigilant à pas se diviser. À ne pas se diviser. Et à rester toujours avec nos frères, les frères avec les frères, comme les doigts de la main. Pareil, les sœurs entre elles, comme les doigts de la main. Et à veiller à éloigner toute cause qui peut semer la division. Na'am. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu que ses compagnons, quand ils partaient en expédition, lorsqu'ils arrivaient dans une contrée, au lieu qu'ils restent dans un campement tous ensemble, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'éparpillaient. Deux ou trois là-bas, quatre ou cinq là-bas, six ou sept d'un autre côté, ils s'éparpillaient. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذه في هذه الأودية والشعب من الشيطان. Certes, votre division là, que vous adoptez lorsque vous arrivez dans une contrée, fait partie ou vous vient du diable. Vous vient du diable. Et lorsqu'il leur a dit ça, après, on n'a plus jamais vu les compagnons, lorsqu'ils partaient en expédition, se séparer. On ne les a plus jamais vus se séparer lorsqu'ils arrivaient dans l'endroit où ils devaient camper. Hatta yuqal لو بسط ثوب لعمهم لو بسط عليهم ثوب لعمهم. Jusqu'à certains, ils ont dit que si on faisait descendre un vêtement sur eux, ce vêtement les aurait englobés. Tellement ils sont restés après unis. Tamam? Na'am. ولهذا, et c'est aussi pour ce point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il est fortement déconseillé de voyager tout seul. De voyager tout seul. Celui qui veut voyager ou lahu sa'a, falyad'u ikhwana wa ba'd ikhwana min al-ahibba wa ahli al-fadl. Na'am. Donc celui qui veut voyager, c'est mieux qu'il voyage avec au minimum combien de personnes, ya Mohamed? Allah a'lam, ahsant. Il est recommandé de voyager avec un minimum. De combien? Hein? Ouais, entre vous, trois, na'am. À partir de trois, la baisse. On rentre dans les hadiths, ou dans le mustahab. Après, celui qui a un voyage urgent à faire et qui ne peut pas voyager à plus... Yani à plusieurs. Fa la baisse. Yani, c'est pas haram alayh. Lakin, al-ahsan an yusafir ma'a jama'a. Non. Si par exemple il n'est pas obligé, il n'est pas urgent, juste il a envie de passer des vacances, il faut qu'il ramène quelqu'un avec lui. Juste il a envie de passer des vacances. Non, le mustahab c'est que ils partent en groupe. Non. Le mustahab c'est qu'ils partent en groupe. Pourquoi? Parce que shaytan yal'ab bishat al-wahida. Le diable il s'occupe et il s'amuse avec la brebis égarée, la brebis qui est toute seule. Non. Amma lamma takun ma'a ikhwanak wa yahsul tanasuh wa madha wa tawajjuh wa shay min dhalik فهذا قوة بعد قوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكذلك يقول مثل المؤمن المؤمن مرأة لأخيه وغير ذلك من الأحاديث. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit que le croyant est pour le croyant comme un édifice. Il se renforce l'un et l'autre. Et dans un autre hadith, il dit que le croyant est le miroir du croyant. C'est-à-dire que c'est lui qui va lui indiquer ses erreurs, ses fautes, qui va lui faire voir des choses de sa personne qu'il ne voyait pas. Mais ça veut dire que si on voyage à deux, par exemple, on ne rentre pas dans ça ? Si on, même c'est les hadiths, ils sont venus sur le bienfait de voyager à trois, minimum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on tu voyages à trois, taj'al wahidan minkum emiran. Et vous placez dans les trois, l'un des trois, il devient l'émir. Celui qui va commander des décisions et celui vers qui on va revenir lors des divergences. Tout ça, c'est pour vous montrer combien il est important de veiller à l'unité des musulmans et d'éloigner toute personne qui cherche à rompre cette unité. على كل حال فهو أصل عظيم قال لكن الآن الإمام الطحاوي كما نقول ونرى الجماعة حقا وصوابا et on voit que la jama'a le groupe c'est un haq, c'est-à-dire rester affilié au groupe c'est un haq. Maintenant نشكال يا محمد ما هي الجماعة. C'est quoi le groupe là qui est visé ? Ahsan, Allahu a'lam. Al-jama'a mahi. C'est le groupe de la vérité qui suit le Coran et la Sunna sur ma compréhension. C'est le groupe qui suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça que tu voulais dire ? Tu répètes la situation, mais c'est bien là, ça, c'est. Al-Jama'a, ça veut dire que là, Rizman il dit c'est tous ceux, c'est le groupe qui suit la vérité avec la compréhension des plus prédécesseurs. Toi, tu es d'accord avec lui ? Ou toi, tu veux rajouter juste, tu veux faire un petit tambi que la Jama'a elle peut être une seule personne. Même si tu es tout seul, c'est toi qui es sur la vérité, c'est ça la Jama'a. Oui, mais là, dans ce cas-là, là. Ah. C'est ça que tu demandes, dans ce cas-là. Ouais. Parce que nous, on se réunit dans le vrai, pas le faux, même si on est musulman. C'est Jama'at al-Muslimin, parce que... Jama'at al-Muslimin. Oui, parce que, par exemple, l'Amir, Moukine, il n'est pas à la haqq, il n'est pas à la sahab kulli, mais d'abord, il y a un shima. Par exemple, il y a des irtilafat, Yom al-Aïd, ces choses-là. Et nous, on suit l'Amir dans ces choses-là. Alors que l'Amir, Moukine, il n'est pas à la sunna, voilà. Et pour éviter les tafarouk ou le qatl ou le qital et tout, parce que ça dépend. Il y a ce qui est âme, mais après, on khassos par rapport à une affaire ou une autre. Jamil. Oui. Qui dit mieux ? Yahya. Abba Ismaïl. Ah, Abba Abdillah. Abba Hind. الجماعه ايش عندك في الحديث اللي كنا راح نحكي عليه 72 نعم على كل حال يا اخوه اختلف اهل العلم في معنى الجماعه. قال والجماعة اختلف الناس في المراد بهم كما ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام فبعضهم قالوا هي السواد الأعظم. Donc certains savants ils ont dit que la jama'a c'est le sawad al-a'zam, c'est le groupe le plus nombreux parmi les musulmans. تمام certains savants ils ont dit ça. تمام وبعضهم قالوا إن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص. Et certains savants, ils ont dit la jama'a, c'est le groupe des compagnons. Faqat. Tamam? طيب. وبعضهم قالوا الجماعة هي جماعة العلماء المجتهدين. Et d'autres, ils ont dit al-jama'a, c'est le groupe de tous les savants qui ont atteint le niveau les niveaux les plus élevés, on va dire. Tamam? نعم. ومنهم من قال هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. Et certains ont dit que la jama'a c'est la communauté musulmane si toutefois elle est unanime sur une chose. Si toute la communauté, par exemple, le fait que zina c'est haram. Que la fornication c'est haram. Ça, c'est. Toute la communauté est unanime là-dessus. Donc, toutes les choses sur lesquelles la communauté est unanime, yani, c'est la jama'a. Ça, c'est une parole. Ça fait partie des paroles qui ont été évoquées. Non. ومنهم من قال أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. Et d'autres, ils ont dit que la jama'a, c'est le groupe des musulmans qui se sont rassemblés sous l'autorité d'un gouverneur. Ça, c'est la jama'a. Tamam? À la kulli hal, comme a dit l'imam Shatibi, la jama'a, ikhtalafa fi muradiha ala khamsati aqwal. Donc les savants ils ont divergé sur quel était le but visé par le mot al-jama'a qui signifie le groupe. Ils ont divergé en cinq paroles, les cinq qu'on vous a évoquées là-dessus. Naam. Alors c'était quoi dans le sahih sa'ati. Et l'avis le plus juste on va l'évoquer là. طيب. وقال الإمام ابن أبي العز نعم واسمه محمد ابن علاء الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية وقال donc l'imam ibn Abi al-Izz il dit lorsqu'il explique le livre العقيدة الطحاوية il dit وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة. أبي شامة qui fait partie des élèves de quel grand imam? Abu شامة fait partie des Aïmma, fait partie des grands imams de l'époque on va dire du 6e siècle, fait partie des grands imams du 6e siècle qui ont vécu dans le 6e siècle. Et c'est un des élèves de quel grand imam? C'est un des élèves de l'imam Ibn Qudama. Ibn Qudama al-Maqdisi. Sahib l'um'at al-i'tiqad. L'um'at al-i'tiqad. N'aim. المقدسي هذا كنيته واسمه طيب ابن قدامة سي كوا سون برينوم اي سا كونيه ها سا كونيه سا كونيه اي سا كونيه بس سا كونيه سي ابو محمد ابو محمد احسنت اسم برينوم احمد نعم أبو محمد ابن خنو عبد الله تمام على كل حال donc cet imam là qui est un des élèves de l'imam Ibn Qudama il dit في كتابه الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. فالصحيح أن الجماعة مرادها من اتبع الحق كما قال الإمام الطحاوي نرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الفرقة زيغا وعذابا فإن الناس إذا تفرقوا تنافروا وتعادوا وساءت أحوالهم الدينية والدنيوية وبغى بعضهم على بعض. Eh, ça c'est une faïda, il faut que chacun d'entre vous il la comprenne. Que lorsqu'il y a une division entre les frères, entre les sœurs, et entre les musulmans, lorsqu'il y a une division entre eux, cette division, elle va avoir des effets néfastes sur leur vie de dunya, ainsi que sur leur vie de din, sur leur vie de ce bas monde, ainsi que sur leur vie religieuse. Cette division, elle va avoir des effets néfastes. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salam, il s'est efforcé, avec une extrême vigilance, de veiller à ce que ses compagnons ne divergent pas. Na'am. Taïb, qala, wa baga ba'dahum ala ba'd. Wa kama dalla al-Qur'an ala dhalika, wa dallat al-Sunnah, أو دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فنستفيد من هذا أن الاختلاف يسبب البغضاء là il faut bien comprendre que les divergences surtout les divergences en religion elles suscitent quoi entre les personnes l'inimitié. Et ça, c'est formellement interdit. Formellement interdit. من يحفظ دليلا على أن البغضة بين المسلمين حرام. دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرب بعضكم لا بعضكم رقاب بعض. تعرف هذا الحديث؟ إيه بس. يعني هو ها في الحديث الحديث المسلم بنيان بعضهم على بعض في النهاية يقول ولا تبغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا أيوة أي نعم حديث أبي هريرة الذي هو في يعني الأربعين النووية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا أربعة أمور ne vous jalousez pas ne vous كيف تقول ولا تناجشوا ne vous frictionnez pas طيب ولا تباغضوا et ne vous prenez pas en inimitié ولا تدابروا et ne vous tournez pas le dos. ها الهجر الهجر لا يصلح إلا مدة ثلاثة أيام أو لغرض يعني تستدعيه ذلك. عليكم بالطاعة والجماعة فإن يد الله فوق الجماعة أي نعم لأن الجماعة هي التي هي يعني تقف عند طاعة ولي الأمر ça veut dire que là par exemple يعني si aujourd'hui tout le monde par exemple comme vous avez vu là le printemps arabe là tout le monde sort dans la rue وأنت الوحيد. Toi t'es le seul. Tu sors pas dans la rue. Tu dis ما يجوز هذا. On n'a pas le droit de sortir contre le gouverneur. Et t'es le seul, انت الجماعة. Toi, t'es la جماعة. Même si t'es tout seul, même si tout le monde fait في الشوارع. Et regardez, subhanallah, quand tu t'aimes, le fait qu'ils ont, que la plupart des pays musulmans qui ont connu cette fitna, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a éclaté et détruit la plupart de leur pays à cause de cette mukhalafa. À cause de, pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé ce fondement dans lequel on est là. Le deuxième fondement. Tamam? Ils ont délaissé ce fondement-là et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala yani araha al-amn wal-aman wa ahalla fihi min qadr wal-qital wal-fitan bi shatta anwa'iha. Na'am.